Nation plus que divisée, gouvernée par l'état haché. Alors où je rappe, je suis sous cachot, même le sommeil est à acheter. L'homme moderne est cachotier, exemple typique de l'acheté. Le pays est acheté, donc la feuille d'encre est achetée. On garde les yeux et les oreilles ouvertes. En paix que quand je mettrai la famille et les rayons verts. Quoi c'est pas, venez voir ce qui se passe ailleurs. Pas compatible à votre mode, quand même pas tiré une bouche d'arrière. Psychologiquement instable, le self-control poussé au max. Trop tu sais là où je m'installe, poussé à pousser au max. Tu te sens bloqué dans ce système, c'est comme un putain d'engrenage. Mon pic écrit tous mes problèmes et dans l'encre je nage. Sous écoute et pris au cou de la vie, je suis sous les coups. D'un coup je me dis qu'il y a trop de coups, ils veulent qu'on les pousse sous les coups. Plus ça va, plus ça déprime, donc ça va moins, ça désespère. Si rage et dépit était art, je crois qu'on serait déjà des experts. Partagé entre dégoût et haine, l'odeur de la carreau dans la bouche, c'est fini le goût des BN. Quand je vois toutes tes ordures, je me dis qu'il y a pas assez de peine. Nos mains pour l'or sont dans la merde, mec. C'est bête, t'as bien connu la galère, mais la belle ville aura tué. Apparemment ça paraît d'être en vue de l'heure actuelle. Face à ça chacun son truc, moi c'est le rap qui m'aide. C'est une protection intérieure, un peu comme l'heure actuelle. Nation plus que divisée, gouvernée par l'état haché. À l'heure où je rappe, je suis sous cacheton, même le sommeil est à acheter. L'homme moderne est cachotier, exemple typique de l'acheter. Le pays est acheté, donc la feuille d'encre est achetée. On garde les yeux et les oreilles ouvertes. En paix que quand je mettrai la famille et les rayons verts. Quoi c'est pas, venez voir ce qui se passe ailleurs. Pas compatible à votre mode, quand même vampire. Nation plus que divisée, gouvernée par l'état haché. À l'heure où je rappe, je suis sous cachot, même le sommeil est à acheter. L'homme moderne est cachotier, exemple typique de l'acheter. Le pays est acheté, donc la feuille d'encre est achetée. On garde les yeux et les oreilles ouvertes. En paix que quand je mettrai la famille et les rayons verts. Quand c'est pas, venez voir ce qui se passe ailleurs. Pas compatible à votre mode, quand même vampire et une bouse d'arrière. J'ai pas les couilles à Rocco, ni même les bras à Rocky. Encore moins la gueule à Rocky, un cuir croco dans un Cherokee. L'hérétique sur le mic, présumé fou, allié venu pour piller, tablier. J'cuisine les rimes sans tablier. Rue saignant sur microphone, pas moyen de confondre. Mon rap une osmose profonde, pour pas que mon micro se fane. J'donne ce que j'ai, ce que j'peux, j'espère ce que j'dois. Vous dites de vive voix, tout ce que j'vis aussi tout ce que j'vois. Quartier cabérant, trop de cavérant, un peu de cordero. Et trop de cabérants, c'est le son des logements sociaux. Du 3-0, tu trembles, c'est limité à 30. Tout comme mes potes, pour la 130, vieux. J'te parle de mon coin, de mon cas, de mon cul, d'un monde qui veut faire de nous des King Kong et Donkey. Donkey, nous tu as petit feu, c'est ma vision des choses. J'ai 26 ans, mais je sais que je resterai pas captif. Nation plus que divisée, gouvernée par l'état haché. À l'heure où je rappe, je suis sous cacheton, même le sommeil est à acheter. L'homme moderne est cachotier, exemple typique de l'acheter. Le pays est THP, donc la feuille d'encre est achetée. On garde les yeux et les oreilles ouvertes. En paix que quand je mettrai la famille et les rayons verts. Quoi c'est pas, venez voir ce qui se passe ailleurs. Pas compatible à votre monde, comme un vampire et une bouse d'arrière. Nation plus que divisée, gouvernée par l'état haché. À l'heure où je rappe, je suis sous cacheton, même le sommeil est à acheter. L'homme moderne est cachotier, exemple typique de l'acheter. Le pays est THP, donc la feuille d'encre est achetée. On garde les yeux et les oreilles ouvertes. En paix que quand je mettrai la famille et les rayons verts. Quoi c'est pas, venez voir ce qui se passe ailleurs. Pas compatible à votre monde, comme un vampire et une bouse d'arrière. J'ai pas besoin de ton aide pour pouvoir m'en sortir. Mais c'est une patate dans le nez si tu nous montes pas la sortie. Moi et mes potes, toujours d'Assa. Rap sale sans les prods, on vient foutre le bazar. Moi je check le mic, je baise le mal, j'aime le rail. Même tes straps pourront te dire qu'on me teste pas. Mec le soir reste calme, car ça arrache. Mon rap est encore plus chaud que le Sahara.